Chapitre 12e. La peau de l'ours. Miss Eden, son habituelle moisson de bravoure enthousiaste cueillie, revenait chez elle, pelotonnée dans le fond de sa voiture. Elle pensait « Demain. Demain sera le plus beau jour pour mon cœur de mère. Paulin Broquet m'a promis de me donner demain ma fille, ma darling. Et Paulin Broquet jamais n'a fait de promesses vaines. » Miss Eden se disait que ces quelques heures qu'il lui restait à passer pour arriver jusqu'à demain allait lui paraître longue, bien longue. « Je prierai, » fit-elle, « puis je tâcherai de dormir. Et le jour demain se lèvera pour moi dans une aurore de bonheur. » Elle arriva ainsi à la villa mystérieuse. Big ouvrit la porte de fer. L'automobile entra dans la villa. Miss Eden, quelques secondes après, descendait de voiture et pénétrait dans ses appartements. Elle revêtait le déshabillé du soir qu'elle mettait pour souper, au retour du cirque, avant de se coucher. Quand elle passa dans la salle à manger, elle fut étonnée de voir la table servie, non pas comme d'habitude pour elle seule, mais pourtant un grand couvert pour trois personnes. La salle à manger était brillamment illuminée et la table couverte de fleurs comme au soir de réception, de fête. Miss Eden, en outre, ne voyant pas son domestique, sonna, appela. « Il ne viendra pas, » dit une voix. « Il a fait le méchant, j'ai dû le mettre à la raison. » Miss Eden se retourna vivement. « Vous ?» s'écria-t-elle en apercevant l'homme qui avait parlé. « Vous ?»« Oui, cher ami. » « Mais vous ne sauriez croire combien cela me peine de vous voir ainsi manifester aussi peu de joie, chaque fois que j'ai le plaisir de vous rencontrer. » Miss Eden se ressaisit. Mais elle garda sa pâleur, car dans sa pensée elle venait de pressentir un nouveau malheur. « Pardonnez-moi, cher ami, » reprit Zigomar. « Je me suis regardé comme un peu de la maison, et j'ai commandé pour vous, devançant votre désir, un souper de fête, car nous allons célébrer ce soir quelque chose d'heureux. » « D'heureux pour vous ? » fit-elle. « Pour nous tous. De malheureux pour moi alors ? Oh non, vous verrez. » Il ajouta. « Mon ami Tom Twig, qui est de vos amis aussi, a bien voulu accepter l'invitation que je lui ai faite en votre nom. » Zigomar rappela. « Tom, mon cher Tom !» Tom Twig, en habit, comme Zigomar, s'avança et salua l'Américaine, la plus belle des femmes de l'univers. Entre elle et lui s'échangea un regard que nul n'aurait pu traduire, ni Paulin Broquet, ni Zigomar lui-même. Cependant, on dut se mettre à table. Le service fut fait par des gens qui ne connaissaient pas Miss Eden, par des aides, et Miss Eden comprit que dès ce moment la maison n'était plus à elle et qu'elle-même était prisonnière de Zigomar. Elle se demandait anxieusement ce que comptait faire maintenant le bandit. Machinalement, elle chercha sur elle une arme, un revolver qui ne la quittait jamais. Mais dans son déshabillé, elle ne trouva au lieu de l'arme qu'une petite boîte à dragée en or ciselé. L'arme avait été enlevée. Au bout de quelques instants de pénible silence, Zigomar dit en souriant à Miss Eden, « Vous n'ignorez certainement pas, cher ami, vous qui êtes instruite et connaissez toutes les littératures du monde, vous n'ignorez pas cette fable charmante du génial fabuliste français dans laquelle un homme a vendu la peau d'un ours avant que de l'avoir tué. » Comme Miss Eden ne répondait pas, Zigomar poursuivit, « Eh bien, votre admirable Paulin Broquet ressemble étonnamment à ce marchand de peau d'ours qui a vendu la peau d'un ours qu'il ne tient pas encore. Ce qui signifie que Paulin Broquet vous a fait cette promesse de vous rendre votre enfant, votre darling, et que Paulin Broquet ne tient pas encore darling qu'il doit vous donner. Alors, cher ami, c'est moi. Moi. Que vous accueillez toujours avec si peu de joie. C'est moi qui vais vous donner ce bonheur que vous estimez le plus grand de votre vie. C'est moi qui, sans vous l'avoir promis, sans m'y être solennellement engagé, vais ramener Darling et la placer sur votre cœur de mère. » Miss Eden regarda Zigomar avec des yeux grandement inquiets et absolument incrédules. Puis elle demanda « À quelles conditions ?»« Aucune, » déclara Zigomar. Il y eut un nouveau silence et Miss Eden et Zigomar échangèrent encore de singuliers regards. Miss Eden demeurait soucieuse, anxieuse. Il lui semblait invraisemblable que Zigomar lui causa cette joie sans rien exiger en retour, sans poser des conditions. Et Zigomar, devinant sans doute la pensée de Miss Eden, gardait un sourire énigmatique, déconcertant. Puis il reprit. « Je lis, chère Ida, comme en un livre grand ouvert, ce qui bouillonne sous votre exquise toison d'or, derrière le front de la femme rousse. » Miss Eden ne fit aucun mouvement. Elle attendait. « Vous ne croyez pas, » reprit Zigomar, aux paroles que vous venez d'entendre. Et vous vous demandez de quel marché elles sont l'énoncé, la proposition. Vous vous dites qu'il n'est pas possible que moi je sois tout à coup désintéressé à ce point. Eh bien, chère Ida, quoique cela vous paraisse invraisemblable, c'est exact. Je ne fais en ce moment aucun marché avec vous. Je ne mets aucune condition. Et c'est tout simplement pour vous rendre heureuse que je vous rendrai votre darling. Vous pouvez dès ce moment vous réjouir. Miss Seaton secoua tristement la tête. Le fabuliste, dit-elle, a oublié le second personnage qui vaut son vendeur de peau d'ours. Il y a l'acheteur qui déjà se félicite d'avoir acquis, payé peut-être cette peau, et dont la désillusion sera fort grande quand il saura qu'on ne peut la lui livrer. Permettez-moi d'attendre pour commencer à goûter mon bonheur, de le sentir, de le toucher, de l'avoir. Zigomar s'inclina, puis reprit. Quelques mots d'explication, je le vois, sont indispensables pour vous convaincre. Pour faire entrer en votre esprit un peu d'assurance en l'avenir, un peu de foi en ma promesse. Je vous écoute. Il vous suffira de connaître la raison pour laquelle je gardais loin de vous cet adorable darling. Je la devine. Fort bien. C'était, n'est-ce pas, pour être maître de vous, indomptable, adorable, aimé et révolté. Je ne suis hélas pas au-dessus du genre humain. Et bien que j'ai cherché à entourer mon cœur du triple airain dont parle le poète, mon cœur est demeuré faible sous sa cuirasse, et mon âme, que je croyais insensible, a fléchi sous la seule clarté de vos yeux, comme de la cire d'abeille au rayon du soleil. Je vous ai aimé. Miss Seaton eut un mouvement de révolte. Je vous en prie. Pardon. C'est la dernière fois que vous entendez ces mots sur mes lèvres. Laissez-moi poursuivre. Je vous ai aimé. La violence qu'il me fallut employer pour vous rendre mienne. Assez, vous m'êtes odieux. Cette violence exaspéra mon amour. Votre admirable résistance, votre merveilleuse défense transformèrent ma victoire en un triomphe sans prix à mes yeux. Vous êtes un misérable. Mais vous m'échappiez quand même, toujours, et mon amour grandissait. J'ai cru vous lier à moi par ce traité que sur vous, vous porterez éternellement. Infâme, et il n'en fut rien. Alors j'ai dû, pour vous avoir encore, employez la seule arme qui devait vous vaincre. J'ai volé votre enfant, en vous disant, si vous la voulez, si vous tenez à cette darling, consentez à m'aimer. Vous avez gagné ma haine, et hélas. Et loin de céder, vous m'avez combattu. Loin de venir réclamer votre fille, loin de l'acheter, de la payer de votre beauté, vous avez voulu la conquérir par la force. Vous m'avez déclaré la guerre. Non, jamais deux ennemis dans la prairie, où je vous ai tant aimé. N'ont déployé autant de ruses, de courage pour se vaincre. Ah, Miss Ida, si nous avions été alliés, que de belles choses nous eussions faites tous les deux, mais je n'avais, comme vous le disiez, gagné que votre haine. Zigomar se tut, il tendit son verre aux aides faisant office de domestique, et ayant bu, il reprit. Puis le temps a passé sans écraser sous le rouleau pesant qui trace le chemin de la vie les fleurs de la route. Mon amour pour vous n'est pas encore éteint. Mais la lutte pour l'existence m'a fait prendre d'autres voies. Le flot m'a jeté sur des grèves, au pied des rocs contre lesquels je pouvais me briser. Comme les marins, j'avais besoin d'un phare. Je pris vos yeux. Comme à eux, il me fallait une madone tutélaire. Je choisis la divine femme rousse. Alors je vous ai dit, votre enfant, votre darling, répond de la liberté, de votre vie. Lâche. Si je suis pris, faites-moi relaxer. Ou, darling emprisonné, subira un supplice dur, cruel, qui augmentera au fur et à mesure de ma détention. Ma condamnation sera celle de votre enfant. Le même arrêt nous frappera tous deux, avec cette seule différence, que le mien sera appliqué par les hommes de la justice auxquels on échappe parfois, tandis que celui de darling aura pour exécuteur mes amis, qui ne rendent jamais leur proie et sont inexorables. Infâme bourreau d'enfants. « Non, pas bourreau, » répliqua Zigomar. « Darling est aussi heureuse qu'une fillette de son âge peut l'être. Elle vit à la campagne avec son poney, ses chiens, ses oiseaux. Elle est soignée, adulée par deux braves gens qui la tiennent pour leur fille. Les photographies que je vous ai données vous la montrent belle, saine, forte. Je n'avais aucune raison de faire souffrir cet enfant. Au contraire, plus elle est heureuse, plus le moment venu, si cela était nécessaire, plus la douleur lui semblerait cruelle, plus elle saurait vous dire sa souffrance, et plus vous, vous sauriez vous employer pour la faire cesser, vous savez comment. » Zygomar eut un geste comme pour chasser au loin tout cela. « Mais, dit-il, ceci c'est le passé. Désormais tout change. Oui, Miss Ida. » La femme rousse n'a plus besoin de jouer son rôle mystérieux d'ange tutélaire de Zygomar. Car Zygomar ne trouvera plus de danger sur son chemin, car aucun obstacle à partir de ce soir ne s'élèvera contre ses desseins. Miss Eden, en entendant ces mots, ouvrit plus grand ses yeux mauves et anxieux. Le cœur étreint, elle attendit que cet homme terrifiant achevât de livrer sa pensée. « Maintenant, vous comprenez, je gage, pourquoi je puis vous rendre, darling. Vous ne me seriez d'aucun secours et darling n'a pas à rester plus longtemps entre mes mains. Je n'en ai plus besoin. Comprenez-vous, je vous la rends. Demain, cher ami, demain matin, quand il vous plaira, j'aurai le plaisir de venir ici vous prendre, pour vous conduire à Garche, chez le vénérable pasteur Master Shipper, qui est le grand-père nourricier de votre enfant. » Miss Eden pâlit d'émotion. Ce que lui disait Zygomar en ce moment était à peu près ce que la veille Paulin Broquet lui avait fait entendre. C'était aussi ce que contenait, parmi d'autres indications, la notice que lui avait laissée le détective. C'était aussi le moment arrêté par Paulin Broquet pour lui rendre Darling, que désignait Zygomar. Et maintenant que son enfant était directement en jeu, maintenant que son bonheur allait se débattre, maintenant que le but de sa vie était en vue, presque atteint, ce dilemme angoissant se posait à la mère. Qui devait-elle croire, de Paulin Broquet ou de Zygomar? Lequel demain devait-elle suivre, du détective qui promettait ou du fourban qui assurait? Avec lequel allait-elle demain se rendre à Garche? Et de quelle main voudrait-elle recevoir son enfant? Encore une fois, Zygomar sembla lire ce qui s'agitait sous l'or du front de la femme rousse, car il lui dit aussitôt « Vous n'avez, Miss Eden, aucune hésitation à concevoir, et vous ne pouvez faire aucun choix entre ce que Paulin Broquet vous a promis et ce que moi je vous donnerai. Car de Paulin Broquet et de Zygomar, de ces deux forces sans cesse en lutte, une seule est à présent debout. De ces deux ennemis, il est un vainqueur. » À ces mots, Thom Twigg se dressa d'un bond. Il leva son verre de champagne et cria « Zygomar, Zygomar est vainqueur !» Les aides, faisant office de domestiques, s'approchèrent de la table. Ensemble, ils crièrent après Thom Twigg « Zygomar est vainqueur, vive Zygomar !»« Zalavi !» hurla Thom Twigg « Zalamor !» et achevèrent de même les aides.